fait attention pour qu'on puisse, des fois, il va nous dire des choses qui vont nous aider à comprendre ce que c'est, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Donc, quand il parle de certaines choses à son égard, à lui, on devrait dire, ah, comme on, une des choses qu'on voit en premier quand on lit l'Épître au complet, c'est que Paul est en prison à Rome. Donc, ça va nous aider à comprendre le fait qu'il est en prison. Ça va nous aider à comprendre certains passages de la lettre. Parce qu'ailleurs, des fois, il écrit et il n'est pas en prison. Donc, ça nous donne aussi une autre idée, que, des fois. Donc, c'est la, une des choses qu'il faut comprendre en premier. Il est en prison, donc il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas aller nulle part. On ne sait pas trop dans quel état de prison il est. Des fois, il est dans des prisons avec une certaine liberté, d'autres fois non. Mais ici, cette fois-ci, dans l'Épître, ce qu'il nous dit, je suis en prison, mais ma fin approche. Il sait qu'il ne ressortira pas. Donc, il sait d'autres places, il sort, il sait qu'il va sortir, il va dire, quand on a vu la lettre en Onésime, il dit, prépare-moi un logement, je vais aller vous rejoindre bientôt. Donc, mais cette fois-ci, il dit, ma course est terminée. Puis là, il va inviter Timothée, elle dit, viens me rejoindre à Rome, viens me rejoindre. Puis ça fait une petite secousse parce qu'il dit, Onésiphore m'a cherché, puis il m'a trouvé à Rome. Donc, ça, il est en prison, puis il sait qu'il probablement ne sortira pas de sa prison, de la prison. Donc, ça nous donne aussi une autre idée. Le fait qu'il va écrire à Timothée et qu'il sait qu'il est en fin de parcours. Il sait qu'il va mourir. Donc, automatiquement, ça donne un autre son de cloche quand il parle. Parce qu'il est dans une certaine situation. C'est pas tout de suite, parce qu'il dit, viens me rejoindre. Donc, il y a encore du temps. Mais il semble que, dans sa tête, en tout cas, c'est fait. Il va probablement être jugé et condamné, puis ils vont le faire mourir. Et selon la tradition, bien, il serait mort pas longtemps après. On pense, on dit qu'il a eu la tête coupée à Rome. On n'est pas sûr si la Bible a pas... Par conséquence au jugement, c'est en prison qu'ils l'ont décapité? Oui. À conséquence de son jugement, il serait mort à cause de cette... Vous voyez comme la secte du christianisme, comme un anti à l'Empire romain, contre l'Empire romain. Donc... On n'a pas cette impression, là. Nous, on est loin en arrière, on est 2000 ans. La vitesse que l'Église s'est répandue dans la première génération a fait peur un peu à l'Empire romain. Parce qu'ils ont peur de voir, parce qu'ils étaient persécutés, les chrétiens. Donc, ils ont toujours un peu peur, comme les Romains avaient peur, à un moment donné, des esclaves. Il y avait tellement d'esclaves, il y avait plus d'esclaves quasiment que d'hommes libres. Donc, il dit, si les esclaves se retournent contre nous, on va se faire maganer, là. Et puis, les chrétiens, c'est un peu la même chose. Donc, il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient au christianisme. Et pour certains, ça a mis en doute un peu leur façon de voir ce mouvement-là qui prenait de l'ampleur de plus en plus à travers l'Empire romain. Il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier quand vous lisez l'Épître, c'est la troisième chose qu'on voit, c'est qu'il a la conviction qu'il va partir, mais il y a la conviction aussi que la couronne de justice lui est réservée. J'ai terminé la course, j'ai combattu le bon combat, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me la donnera en ce jour-là. Donc, il n'est pas juste ceux qui vont mourir physiquement aussi, mais il est ceux qui vont recevoir de la part du Seigneur la couronne qu'il mérite. Pas mérité, mais la couronne qui lui mérite parce qu'il est resté attaché au Seigneur toute sa vie. Donc ça aussi, ça, c'est pas un gars qui est en balance ou en équivalent ou en train de se poser la question s'il va l'avoir, s'il ne l'aura pas, mais il semble qu'il y a pas mal de certitude qu'il va l'avoir. Il y a une autre chose qu'il faut comprendre, ça, je vous dis ça là, parce que j'ai vu ça dans les quatre chapitres. Donc, on va les voir en passant, nous autres. Hein. Je vous le dis parce que des fois, je vais interpréter les textes. Moi, je l'interprète en sachant qu'on va en parler au chapitre 3, en sachant qu'ils vont dire ça au chapitre 4. Et il y a une autre chose qu'on va voir, c'est que la majorité des gens qui le côtoyaient, je parle des chrétiens, vont l'abandonner. aussi pendant qu'il était à prison. Ça aussi, ça a un impact sur la vie de Paul. C'est pas un bout de bois, le gars, là. Donc, il y a des émotions, des pensées, des questionnements qui se font. Mais il va nous le dire, là. La majorité m'ont abandonné. Il va en nommer certains. Il va en nommer au moins 3 ou 4 ou 5 par nom. Il va nommer les noms. Donc, c'est c'était une période, on dirait, de sa vie qui ça a dû le toucher un peu, le fait de voir que tellement de croyants l'abandonnaient à cause de sa position, à cause de la situation dans laquelle il était. Et une autre chose qu'on va voir, qui va influencer la lettre, c'est qu'il veut que Timothée s'en vienne le voir à Rome. Il veut que Timothée quitte Éphèse et s'en vienne le rejoindre à Rome. On va même voir dans l'Épître qu'il va dire « J'ai envoyé Tychique à Éphèse. » En voulant dire « J'ai envoyé quelqu'un pour te remplacer, toi, viens-t'en. » OK? Puis il va dire « Amène Marc avec toi. » Donc, il sait qu'il va mourir, il sait qu'il ne sortira pas de là, mais il n'a pas fini. Parce qu'il dit amène Marc, il est utile encore au ministère pour moi. Donc, Paul avait un travail de la prison. Vous avez déjà vu ça là, dans les nouvelles, ils vont dire que des mafiosos, ils dirigent leur cartel à partir de la prison. Mais Paul, lui, dirigeait ses affaires à partir de la prison. Il y avait des gens qui rentraient puis sortaient, puis ils mis des messages. Puis, donc, je ne sais pas s'il donnait des cours de Sandbeck pendant qu'il était en prison, mais on ne sait jamais. Mais il dit, puis viens bientôt avant l'hiver, si possible. Mais ce qu'on va voir, selon ça, c'est mon interprétation à moi du texte, il semble que Timothée hésite d'aller le rejoindre à Rome. C'est une des raisons pourquoi il écrit. Il semble que Timothée hésite d'aller voir Paul à Rome. Si ton gars, ton mentor, le chef de la secte, est en prison, il y a des risques pour toi si tu vas le rejoindre, il y a des risques pour toi. Puis en même temps, il y avait aussi la question, ce que j'ai pu lire, je ne sais pas à quel point c'est vrai, c'était toujours périlleux à cette époque-là de voyager à cause des bandits de route, des gens qui étaient difficiles. Tu allais à pied pendant des semaines et des fois des mois pour te déplacer. Et il y avait toujours des dangers aussi à ce moment-là de banditisme ou de quelque chose semblable. Mais on va voir, ça va peut-être nous aider à comprendre pourquoi il va parler comme il parle à Timothée. Il va y parler, puis je crois qu'il le fait avec amour, avec douceur, mais il le fait aussi avec fermeté à qui il parle. Il va y parler avec fermeté pour qu'il puisse réagir. Je ne sais pas. C'est dur pour nous autres, on n'est pas là. Si quand Paul était là, puis avec Timothée, puis on ne sait pas combien de temps ça fait que Timothée est parti. Qui est resté à Éphèse, il y a deux lettres d'écrit, c'est-tu 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'il n'a pas vu Paul? Ça nous donne ça nous empêche des fois de comprendre. Mais ce qu'on a besoin de comprendre, on l'a dans ça, on va essayer de comprendre le mieux qu'on peut. Ça, c'est notre ami, c'est Paul, sa situation à lui, quand on lit l'ensemble de l'Épître. Il est en prison, il sait que sa fin est proche, il est abandonné par tous les gens qu'il connaît, ou à peu près, il va dire, « Seul Luc reste avec moi. » Donc, il y a des chrétiens qui sont partis travailler ailleurs, mais lui, tu te retrouves seul avec Luc. Donc, pour lui, ça semblait l'affecter jusqu'à certains points. Tout à l'heure, on a lu, Onésiphore m'a souvent encouragé. On a de la misère à penser que Paul avait besoin d'être encouragé. Mais pourtant, il avait besoin d'être encouragé des fois aussi. Donc, Onésiphore était un qui avait probablement un don d'encouragement, un don d'aller voir les gens et de les aider à passer au travers les moments difficiles. Il y avait peut-être ce don-là, Onésiphore. Ce qui m'a frappé, là je parle toujours de Paul, je n'ai pas commencé le texte encore, on va voir après ça, mais ce qui m'a frappé ici, c'est ce que j'appelle des fois la maturité de l'apôtre Paul, de voir que lui-même est dans une situation très difficile, en prison, devant la mort, abandonné, mais il n'arrête pas d'encourager les gens, il n'arrête pas de parler du Seigneur, il n'arrête pas d'écrire aux églises, de se soucier des églises. Je me suis dit, même, ça me donnait une voix d'un gars avec une belle maturité qui dit, oui, oui, je suis dans une situation de chien, on pourrait dire ça en guillemets, là. Et il va dire un peu plus loin, je suis en prison, mais l'Évangile n'est pas en prison. L'Évangile n'est pas en prison. Donc, c'est ça qui importait pour lui, l'Évangile n'est pas en prison. Donc, nous autres, des fois, dans des moments difficiles, on se soucie plus de nous-mêmes. Cette semaine, je parle avec un frère que j'ai écrit, c'est une secouche que je n'ai pas vue, donc j'ai écrit, il dit « Comment ça va? » Puis là, il me répond, puis là, il commence à me décrire, ça, il dit « J'ai eu une année difficile. » Puis là, il commence à me tous les soucis qu'il avait eus, puis qu'il avait. Mais son focus était sur ses soucis. Puis il est dedans, puis il est déprimé. Parce qu'il focus sur les choses difficiles. Il n'a pas trouvé le moyen de sortir, puis de regarder ailleurs, de regarder en dehors de ses soucis. Et donc, il est un peu dans la déprime. Et donc, c'est vraiment important que des fois, la meilleure façon de régler nos problèmes, c'est s'occuper des problèmes des autres. On a de la misère à comprendre ça, là, des fois, de la misère à croire ça même. Là. Puis quand on a des problèmes, on a tendance à vouloir aller chercher de la sympathie de la part des gens. Mais plus on s'occupe des problèmes des autres ou des difficultés des autres pendant qu'on est en problème, nos soucis prennent une dimension différente. Et je crois qu'en même temps, l'Esprit de Dieu qui est en nous va nous soutenir à ce moment-là. Donc, j'ai fini pour Paul. Là, on va rentrer le Paul du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Donc, ici, Paul se présente d'une façon que c'est la première fois que je le vois dans les Épîtres, qui se présente ainsi. Il y a toujours des petites nuances quand il se présente. Apôtre, mais là, il dit pour annoncer la promesse de la vie. Donc, c'est quelque chose de nouveau, ça, on ne le voit pas ailleurs. Il dit d'une façon différente. Mais il se présente comme apôtre de Jésus-Christ. On se souvient, c'est quoi un apôtre? C'est un envoyé. Donc, je suis quelqu'un que Jésus a envoyé par la volonté de Dieu. Je me suis arrêté cette semaine là-dessus, puis je me disais, ça a dû lui donner comment je dirais bien ça? Un tibulot. Mais en même temps, une forme de certitude. Paul n'a pas d'hésitation à savoir qu'est-ce qu'il doit faire. J'ai été envoyé par quelqu'un, par la volonté d'un autre, puis je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Donc ça donne pour moi une espèce de fuel, une espèce de quelque chose qui te pousse à l'action, parce que tu n'as pas d'hésitation à savoir qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu es en train de faire. Puis quand vous regardez la vie de Paul, qui est, même s'il était dans des moments où il était dans l'abondance, ou du moins qu'il était en prison, ou du moins qu'il était en liberté, Paul a toujours la même idée derrière la tête. Les situations ne changeaient pas ce qu'il avait à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Je suis un apôtre, j'ai été envoyé par Jésus-Christ, par la volonté de Dieu le Père, et j'ai une chose à faire. C'est toujours la même. En prison, libre, dans des palais, dans des maisons pauvres, avec des riches, avec des pauvres, j'ai toujours la même raison d'être là. Et pour moi, ça des fois, je ne sais pas pour vous autres, mais des fois, je disais, j'aimerais ça soit clair demain pour moi. Là. Ça soit clair, je n'ai pas besoin de me poser la question, c'est ça. Jésus m'a dit, bon, voilà. Mais ça doit donner tout un impact à ta vie, puis ça doit enlever une certaine hésitation à ce que tu dois faire, puis quelle priorité tu dois avoir, parce que ça a été tellement clair pour lui, de sa mission à lui. Tout à l'heure, il va faire la même chose avec Timothée. Il va lui parler. Tu sais ce que tu as à faire? Je t'ai imposé les mains, tu as reçu un don de Dieu, tu sais ce que tu as à faire, fais-le. Il va ramener la même chose avec Timothée. Tu ne devrais pas hésiter, Timothée. Tu ne devrais pas... Qu'est-ce qui se passe, Timothée? Tu ne devrais pas hésiter parce que tu sais ce que tu as reçu comme don par l'imposition de mes mains. Tu sais ce que Dieu t'a appelé à faire. Donc, pourquoi tu ne le ferais pas? Pourquoi est-ce que tu hésites à le faire? Donc, Paul, il a cette certitude, puis quand on le voit agir, quand on le voit en prison ou devant les palais, devant la justice, devant les Sanhédrin, Paul n'a jamais d'hésitation à dire « Je suis un apôtre, j'ai été envoyé par Jésus-Christ, je sais ce que j'ai là. C'est par la volonté de Dieu que je suis ici. Puis le message que je vous donne, c'est le message que je suis de Dieu. » Paf! Puis il dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gêne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hésitation, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un gars qui était pas, qui n'avait pas de peur ou de crainte, mais sa conviction était tellement forte de ce qui avait été reçu comme tâche à accomplir, c'est que ça prenait le dessus. Ça prenait le dessus sur ce qui se passe, sur les événements autour. Parce que nos convictions de cœur vont toujours prendre le dessus sur les événements. Nos convictions de cœur vont toujours finir par prendre le dessus sur les événements. Mais si je ne suis pas convaincu dans le cœur, c'est les événements qui vont me dicter ma conduite ou qui vont m'amener à hésiter. Mais quand j'ai une conviction de ce que c'est que Dieu veut que je fasse, les événements peuvent changer, mais je sais ce que j'ai à faire. Okay, donc, que ce soit... Et ça, pour moi, c'est important que chacun de nous réalise ça. Là, dans vos Bibles, je ne sais pas, Gisèle n'est pas là, fait que peut-être qu'on a toutes les Bibles pareilles. Il dit, par la volonté de Dieu, Dieu veut que Paul soit comme ça, mais c'était la volonté de Dieu que Jésus envoie Paul. Il y a une harmonie entre Jésus et Dieu d'envoyer Paul. Dans ma Bible, c'est marqué pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Y a-t-il qui ont d'autres choses? J'étais envoyé pour annoncer, c'est ça le logique, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Y a-t-il qui ont d'autres choses dans leur vie? C'est dit selon. Selon la promesse. C'est bon, ça. Ça, c'est la deuxième possibilité. Donc, il dit, j'ai été appelé par Dieu, j'ai été envoyé par Jésus-Christ parce que Dieu a fait une promesse. Okay? Dieu a fait une promesse et pour accomplir la promesse qu'il a faite, d'amener la vie, il m'a envoyé prêcher. Mais où on pourrait le dire, comme dans la seconde, on va dire, j'ai été appelé d'être apôtre pour annoncer la promesse de la vie. Mais j'aimerais que vous compreniez bien que la promesse de la vie ici qui est en Jésus-Christ, c'est pas la vie éternelle à la fin de nos vies, de notre jour, de nos jours. Là. C'est pas ça dont il parle ici. Et tout au long de l'Épître, c'est pas ça dont il va parler. C'est la vie maintenant, ici, là. Qui va se continuer dans l'éternité. Mais la promesse de la vie, c'est pour ici. Il m'offre la vie ici. C'est pas je te laisse dans la condition que tu es là, puis à la fin, je vais te donner la vie. Non, je te donne la vie maintenant pour que tu puisses vivre ici pour moi. Et ensuite ça, parce que... Comment je te dirais bien ça? Quand on a expérimenté quelque chose, on en parle avec beaucoup plus de conviction, n'est-ce pas? Il y en a qui ont essayé, mettons, une sorte de médicament. C'est bon, je l'ai essayé, je l'ai pris, puis ça a fait vraiment l'affaire, c'est bon, c'est bon. Ils ont une conviction, toute épreuve, parce qu'ils l'ont essayé, puis ils l'ont vécu. Toi, tu n'es pas convaincu pantoute, mais lui, il est convaincu parce qu'il l'a pris. Et le fait d'aller annoncer la vie, le fait que tu l'as, cette vie-là, que tu l'as goûtée, que tu la vis, cette vie-là, ça te donne une conviction puis une capacité de la prêcher, de l'enseigner, de dire, je sais de quoi je te parle, je l'ai, cette vie-là, moi. Je l'ai, cette vie-là. Fait que je t'annonce pas quelque chose que je sais pas. Tu sais, quand vous annoncez la vie éternelle pour l'autre bord, vous ne savez pas trop c'est quoi vous parlez. Puis moi non plus. Parce qu'on l'a pas vécu l'autre bord. Je n'ai pas vécu la vie éternelle de l'autre bord, mais ça va être quoi, l'autre bord là, d'un nuage, ou l'autre bord des nuages? Peut-être l'autre galaxie, peut-être, je ne sais pas. Ou en deux galaxies, je ne sais pas. Mais quand j'en parle, c'est moins... si tu crois en Jésus, tu vas aller au ciel, mais tu meurs, c'est beaucoup moins personnel, c'est beaucoup moins fort. Quand je te dis, je t'annonce, Dieu a fait une promesse de donner la vie par la personne de Jésus-Christ, moi, je l'ai cru, je l'ai eu, cette vie-là. Et là, tout d'un coup, tu peux parler à partir de ce que toi, que tu vis aussi. Donc ça donne une expérience beaucoup plus forte que quand tu l'annonces. Mais en même temps, cette vie-là, c'est Paul venant en parler avec Timothée dans l'épître. Cette vie-là que Timothée, que tu as reçue, que j'ai reçue, bien là, il va te donner des choses, il va en parler. Donc, c'est ce qu'il va parler dans l'épître, c'est les fruits de cette vie-là que tu as reçue. C'est pas autre chose. C'est pas, je ne te parle pas de la vie sur Mars. Là. Je ne te parle pas d'une expérience extrasensorielle ou extraterrestre. Là, je te parle de la vie que tu as reçue, Timothée. Bien, c'est ça que je te parle, de vivre ici-là. C'est dans ce sens-là qu'on va aller. Donc, cette vie-là, il l'annonce, elle est dans la personne de Jésus. Vous savez, Jésus a dit quoi? Pendant qu'il était sur la terre, « Je suis la vie. » On a vu dans Jean, la vie était en elle, en la parole. La vie est dans la personne de Jésus. Jésus est la source de toute vie spirituelle. Donc, si tu veux l'avoir, il faut qu'il te la donne nuit, cette vie-là. Tu ne peux pas aller la prendre ailleurs. Il n'y a rien qu'une source. C'est lui. Donc, si j'ai cette vie-là qu'il nous donne, c'est faire partie de sa vie. C'est assez intéressant de méditer là-dessus. Ce n'est pas quelque chose, quelque part, là. Il donne une partie de lui-même. Et je te donne la vie, une vie spirituelle, que selon moi, on n'a jamais eue avant. Il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi, mais la vie qu'il donne, ce n'est pas quelque chose qu'on avait perdu, puis là, qu'il nous la répare. Puis, tu es un peu amoché, mais je t'ai réparé, là, puis tu es correct. Non, c'est une vie nouvelle. C'est une nouvelle forme de vie qu'il va nous donner, qu'il nous a donnée à la naissance. Ce n'est pas la vie d'Adam et Ève dans le paradis. C'est quelque chose d'autre. Okay, c'est quelque chose d'autre, c'est pas pareil. La vie qu'Adam et Ève ont eue au paradis, c'est une vie qui était conditionnelle jusqu'à un certain point, parce que quand ils ont désobéi, ils l'ont perdue, cette vie-là. La vie que Dieu donne à la nouvelle naissance, c'est une vie impérissable, c'est une vie qui n'a pas de limite, qui n'a plus de temps. C'est ça qu'il dit à la femme samaritaine, « Si tu bois de l'eau vive que je te donne, cette eau va devenir une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. » Il n'y a pas de limite, tu ne peux pas la perdre, tu ne peux pas arrêter cette vie-là. Donc, c'est une vie nouvelle qui nous met dans une position de relation avec Dieu, selon ma compréhension, plus qu'Adam et Ève dans le paradis. On est choyé, hein? On a une vie qui nous met en relation encore plus qu'Adam et Ève avaient dans le paradis. Parce que c'était... Et quand on va être de l'autre côté, dans le nouveau ciel, nouvelle terre, avec notre corps glorifié, on va être encore dans une position encore plus avantagée que dans hier, bien certainement. Donc, c'est quand on avance dans la progression de la doctrine, de l'enseignement, Dieu est toujours en train de nous emmener à une meilleure place en tant que race humaine. Donc, il ne veut pas nous ramener au paradis terrestre. Il veut nous emmener mieux que dans le paradis terrestre. Donc, la révélation qu'il fait de lui-même pour nous autres, les êtres humains, c'est pour nous emmener toujours plus près de lui, toujours en meilleure relation avec lui. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Ça, c'est l'auteur, c'est notre Paul. Le destinataire, c'est Timothée. Pour qu'on comprenne le verset 2, qu'est-ce qu'on sait de Timothée à partir de la deuxième épître? Qu'est-ce qu'on sait de lui à partir juste de la deuxième épître? On pourra regarder la première épître aussi, puis les actes des apôtres après ou ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on sait dans cette épître-là? La première chose qu'on va entendre au chapitre verset 2, c'est mon enfant bien-aimé. Il est aimé de Paul. Paul aime cet homme-là. On pense que Paul et Timothée, Paul aurait pu être le père de Timothée en âge. Là, il y avait assez de différence entre les deux. Un aurait pu être le père de l'autre. Mais qu'est-ce qu'on sait aussi de lui? On va voir que c'est un enfant qui est en larmes aussi. C'est un enfant qui est aimé par son père, Paul. Mais en même temps, c'est un enfant qui est en larmes. Et j'ai lu cette semaine un paquet de commentaires sur qu'est-ce qui avait causé les larmes. Je n'ai pas été d'accord avec eux autres, donc j'ai fait ma propre idée. J'ai fait mon idée personnelle. Qu'est-ce que causé les larmes? De quelles larmes parle-t-il? Donc, quelle conclusion qu'on tire de cela? On va le voir s'en aller. C'est un enfant aussi que Paul dit, « Je sais que tu as une foi sincère. » On va en parler de cela aussi. Mais c'est un enfant qui il a une certaine honte et hésitation. Paul va lui dire, « Il ne faut pas que tu aies honte du Seigneur Jésus et de moi, son prisonnier. » Donc, il est dans une position de difficulté, Timothée. Qu'est-ce qui cause ça? Pourquoi est obligé de lui dire ça? On va voir dans l'instant du chapitre qu'on va voir aujourd'hui. Paul va dire, « N'aie pas honte, Timothée. J'ai pas honte. Onésiphore n'a pas honte. » Donc, « N'aie pas honte, toi, du témoignage à rendre à Jésus-Christ. » Donc, ça veut dire qu'il y aurait une forme d'hésitation, du moins, de la part de Timothée. Puis tout à l'heure, je vous ai dit, « Viens me rejoindre, Timothée, à Rome, mais Timothée hésite jusqu'à certains points. » Hésite jusqu'à certains points. Et je me demande si... On va voir tout à l'heure, il va dire, « Ranime. Ranime le don. » Dans vos bibles, tout à l'heure, j'ai vu dans le second, c'est « Rallume. » C'est quelque chose qui est comme éteint, puis on doit rallumer. Donc, ça veut dire que le don, son don qu'il avait reçu de l'apôtre Paul, par l'imposition de, il avait le don de Dieu par l'imposition de la main des mains de l'apôtre Paul, il l'avait mis en stand-by jusqu'à certains points. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un de ranimer s'il est en pleine flamme. Mais on a de la misère à penser que les gens du Nouveau Testament, comme Timothée ou Paul ou d'autres, pouvaient passer par des périodes d'hésitation. Vous pouvez passer par des périodes de questionnement. On les voit tous comme des super saints qui avaient une foi infaillible, sans questionnement, sans difficulté, pas beaucoup de péché ou presque pas de péché. Non, c'était des hommes et des femmes comme nous, là. C'était des êtres humains comme nous. Donc, il y avait leur moment de difficulté. Et il n'y a pas un gars ou une fille assez fou devant la menace de mort, devant la prison, devant le fouet, devant la peste, qui dit, ben moi, ça ne me fait rien, j'y vais, oh, j'ai rien là pour moi. Non, on est tous des êtres humains. Donc, on va voir que Timothée, si je ne vois pas ça sur Timothée, il y a des textes que je vais avoir de la misère à comprendre. Pourquoi il dit ça? Pourquoi comme si Timothée ne marchera pas, qu'est-ce qu'il veut dire à Timothée? Pourquoi il parle de même? Mais si vous connaissez que quelqu'un est malade, mais que la personne parle, dire ah oui, je sais pourquoi il dit ça, parce qu'il est malade. Tu vas le savoir parce que tu sais que la personne est malade. Mais quand tu ne le sais pas, tu te demandes de quoi il parle, parce que ça ne fait pas de sens. Mais quand tu le sais, donc si Timothée, d'où viennent les larmes qu'il y a, d'où est-ce qu'il vient cette hésitation-là, cette honte momentanée, cette hésitation-là face à Paul, face au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il bien, il dit bien, n'aie pas honte de rendre du témoignage à rendre au Seigneur Jésus. C'est pas juste Paul. Donc, Timothée hésitait, là. Donc, ça l'arrive. Ça l'arrive que les croyants peuvent vivre ça. Donc, à cause de cela, la dernière chose qu'on va voir dans l'Épître, c'est que cet enfant-là, bien-aimé de Paul, a besoin d'être exhorté à reprendre la marche, à réanimer son don, à se positionner dans l'Église. Et remarquez bien ce que je tentais de vous dire là. Timothée, ce qu'il vit, c'est dans l'Église. Ce n'est pas ses relations avec les païens là, qui parlent. C'est dans l'Église que ça se passe. On va le voir tout à l'heure, il va le dire un peu plus loin. Il va dire, « Mets tes culottes, Timothée. En toute occasion favorable ou non, prêche, reprends, exhorte, censure. Mets tes culottes, Timothée. Laisse pas le monde t'embarquer sur la tête, là, puis que tu te détournes de la vérité. Il faut que tu prennes position pour l'Évangile, Timothée. » Donc, c'est pas si évident que ça. Tout à l'heure, on va voir, plusieurs pensent que Timothée était un peu timide. Puis tu allais voir dans l'original, quand il parle d'un esprit de timidité, là, qui parle, il dit Le mot peut vouloir dire d'arrêter de rougir. Tu sais, quand quelqu'un te parle, tu viens tout rouge, ça veut dire quoi? Gêné, mais ça, pourquoi qu'on vient gêné et qu'on vient tout rouge de même, tout d'un coup sec? Il y a une situation pas facile, hein? On perd la face un peu, on peut que les gens vont rire de nous autres. Il y a quelque chose qui fait que la pression monte, là, les couleurs viennent. Puis dans le texte, quand il dit on n'a pas reçu un esprit de timidité, il dit ne rougis pas. Ne rougis pas de dire que tu es croyant, de montrer que tu es croyant. Ça nous dit un peu. Moi, j'aime ça parce que c'est la réalité de l'être humain. Vous n'avez jamais rougi? Vous n'avez jamais hésité? Jamais. Tu vois-tu, il y a deux portes françaises. Ça monte, ça monte. Tu n'es pas à ta place ici. Mais on sait qu'on a tous eu des moments d'hésitation. On a tous eu, puis on va en avoir encore. C'est qu'est-ce qu'on fait avec? Comment il fait face? Parce que Paul, il dit pas, si tu serais un bon chrétien, tu rougirais jamais. Non, il dit, voici ce que tu devrais faire, Timothée. Parce que tu as un peu honte, mais voici la solution, voici ce que tu devrais faire. Il dit pas, tu devrais pas. C'est, voici ce que tu devrais faire. Pour pouvoir parler, même quand tu as envie de rougir un peu. Tu devrais prendre position, même quand tu as envie de rougir un peu. Donc, c'est pas quelque chose d'inhumain, c'est quelque chose qui fait partie de... Oh. On n'aime pas être jeté. On n'aime pas que les gens nous regardent de travers. On n'aime pas que les gens rient de nous. On n'aime pas ça. Et si tu aimes ça, tu as un petit problème. Sinon, on n'aime pas ça. On aime ça quand les gens nous tapent dans le dos. Hey, t'es un bon gars, t'es le fun, t'es gentil, c'est un super gars, t'sais. Non, on n'aime pas ça, c'est un éliminé, il est un peu serré, le gars, c'est un chrétien, puis voilà. On n'aime pas ça. C'est, surtout quand il te laisse voir en public, c'est encore pire. On n'aime pas vraiment ça. Mais en même temps, ici, c'est pour nous autres, là, c'est comme... Là, c'est ce qui est le plus frappant dans l'Épître, c'est que c'est à l'intérieur de l'Église. C'est à l'intérieur de l'Église que ça se passe. Donc, on voit tout à l'heure que dans une église, il peut y avoir des gens qui sont rebelles à l'Évangile, rebelles à certaines vérités. Même, il va parler que dans une grande maison, il peut y avoir des vases de terre. Donc, il y en a qui sont des vases de terre, puis les autres, ils vont s'en prendre aux autres qui ne sont pas des vases de terre. Et c'est pour ça que le combat... C'est très rare que l'Église va arrêter de fonctionner à cause du monde dans lequel elle vit. C'est les conflits intérieurs, souvent, qui font que l'Église va fermer. Ce n'est pas vraiment l'opposition extérieure, qu'on voit dans les Églises. Donc, Paul, à ce jeune homme-là qu'on vient de voir, à cet enfant-là bien-aimé, il lui dit, « À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, il souhaite à Timothée grâce, miséricorde et paix. Mon ami qui en a besoin. Il a besoin de ces trois choses-là, mon Timothée. Timothée, que Dieu te donne la grâce, la miséricorde et la paix dans ce que tu es en train de faire, afin que son nom soit glorifié. Donc, c'est pas... Il dit pas ça à l'aveuglette... Que Dieu te bénisse, bye, on s'en va. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bon, on n'y pense même plus, on dit ça, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais je crois qu'ici, Paul est conscient de l'état spirituel ou de son état d'âme de Timothée. Et il veut vraiment qu'il comprenne qu'en Dieu, il peut aller chercher ce qu'il a besoin pour pouvoir continuer la marche. Parce que Timothée, Paul va y parler, puis tout ce que Paul désire pour Timothée, c'est la même chose que pour lui, qu'il puisse terminer la course et recevoir la couronne de justice. C'est tout ce qu'il veut. Juste une petite question, François. Comment Paul a su que ça allait mal, mettons, dans la vie de Timothée? C'est parce qu'il y avait des frères qui avaient été voir Paul? Oui, je crois que c'est des gens comme Onésiphore, des gens qui voyageaient. C'est-tu la personne qui avait amené la première lettre? Okay. Tu sais, la première lettre était écrite. Il l'a amené à Timothée. Puis là, le gars, il retourne. Là, Paul, il donne pas mal des nouvelles à Paul, puis là, il va ramener une deuxième lettre. Donc, il y avait un va-et-vient entre Paul et les différents personnages. Tite, on a l'épître de Tite, il y avait des gens qui rapportaient à Paul, j'ai su par les gens de la maison de Chloé, qu'il se passe de ça, qu'est-ce qui se passe à Corinthe. Il n'y avait pas les textos, mais il y avait des gens qui voyageaient d'une place à l'autre. C'était leur façon de faire. Et les gens voyageaient aussi pour le commerce, les gens voyageaient pour le travail, puis ils emmenaient des informations aux églises. C'était comme ça que ça fonctionnait dans le temps. Donc, si tu partais, tu t'en allais dans une ville pour un travail, mais tu emmenais des nouvelles. Si vous avez déjà lu la colonisation, au début ici, du côté francophone des églises évangéliques, les gens qui annonçaient l'évangile d'église en église, dans le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, emmenait la malle en s'en allant. Le gars qui allait prêcher d'église en église emmenait la malle, puis emmenait des lettres de tout ce monde-là qui était en arrière, puis des nouvelles des autres villages. Donc, quand il arrivait au village, tout le village s'emmenait autour du gars qui amenait le pasteur ou l'évangéliste. Donc, lui, il en profitait pour annoncer l'évangile, bien entendu. Je vais vous donner vos lettres après j'ai fini de prêcher. Non, c'est pas ça, c'est le gars. Mais là, ici, c'était catholique, là. Non, pas au début si fort que ça, là. Au début, c'était la Nouvelle-France, c'était pas aussi catholique que ça. Non. Il y avait des gens qui venaient du sud des États-Unis qui montaient à prêcher l'Évangile du côté de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Donc, puis vous allez voir, là, si vous avez été à la Gaspésie, tout ça, vous allez voir des petites églises blanches à tout à peu près 10 km. C'était le même gars qui allait de 10 à 10 le dimanche. Commençait à la première à 8 heures, à 10 heures, à la deuxième, à midi, à la troisième, puis il faisait, avec son cheval, son petit buggy, puis allait d'une église à l'autre. Il prêchait le même message. Donc, puis, quand il arrivait à l'autre église, il amenait les nouvelles de l'autre église. Il amenait, s'il y avait des lettres, bien, amène-donc ça, ma mère, va dans l'autre église, amène-donc. C'était la façon de faire. Et je crois que c'était aussi la méthode dans l'Empire romain. Donc, il y avait des gens qui voyageaient d'une place à l'autre, qui amenaient des lettres de la part de l'apôtre Paul. Et peut-être qu'il y en a qui avaient ça comme ministère, qui ont vu que c'était peut-être leur appel par rapport à Dieu de faire ça. J'ai un commerce, je me promène d'une ville à l'autre, ben je vais ramasser des informations d'église en église, je vais emmener ça, je vais faire le facteur aussi en même temps, je vais emmener des nouvelles. C'est ce que je pense. Hein. Pas marqué dans la Bible. Donc, Timothée, donc là, on a vu le Paul, qui dans lui, tout est dans une situation difficile. Donc, quand tu es dans une situation difficile et que tu parles à quelqu'un qui est dans une situation difficile, tu as de l'empathie en général. Tu as de l'empathie en général. Tu vas comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, Timothée, mais je te garantis que ce n'est pas facile pour moi non plus à Rome. Donc, je te comprends. Je te comprends. Mais en même temps, même si ma situation n'est pas facile, il y a des vérités qui me soutiennent. Je voudrais te partager ces vérités-là à toi aussi, Timothée, pour que tu puisses continuer la marche jusqu'à la fin. Donc, on va... Ça, c'est notre introduction. C'est l'auteur et le destinataire. Ensuite, on va regarder l'apôtre Paul, je dirais, du verset 3 à 5. Il va parler du passé. Son passé à lui, puis le passé de Timothée. Je vous ai déjà dit, je vais vous le répéter encore quelques fois probablement, notre présent est toujours basé sur le passé. Et sur le futur aussi, bien entendu, mais sur le passé. Et Paul va parler du passé avant d'arriver dans le présent. Et c'est assez rare que quelqu'un sait où il s'en va s'il ne sait pas d'où ce qui vient. Hein? J'avais déjà vu des films là-dessus, probablement, le gars se réveille sur le bord du chemin, puis il ne sait pas qui est. Là, il est bien malheureux. Parce qu'il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il s'en va, il ne sait pas ce qu'il fait là. C'est bien malheureux. Mais en même temps, en tant que chrétien, quand on est dans un moment d'hésitation, comme Paul était à Rome, devant la mort, devant la persécution, et Timothée, dans sa difficulté qu'il a à Éphèse, c'est bon de se rappeler d'où est-ce qu'on vient. Comment ça, je suis ici à Éphèse, moi? Qu'est-ce que je fais là, Éphèse? C'est quoi ma raison d'être ici? Pourquoi Paul m'a laissé ici? Qu'est-ce que je fais ici, moi? Comme on pourrait se dire, nous autres, qu'est-ce que je fais sur la foutue planète Terre? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ma raison d'être ici? C'est-tu la même chose que la vache, le chien, l'oiseau? J'ai-tu une vocation plus grande que ça, que juste que les autres animaux de la planète? Ben oui, on sait bien qu'on a une vocation plus grande que ça. Mais ici, Paul va dire au verset 3, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Il dit, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que moi aussi je sers Dieu avec une conscience pure. » Ses ancêtres, c'est qui? La suggestion vous fait sur le peuple juif. Les Juifs, on sait d'où est-ce qu'on vient. On sait d'où est-ce qu'on, de ce qu'on vient. Nous, on vient des Juifs, et le salut vient des Juifs, et la loi, et les promesses du Messie, et tout cela. La promesse de la vie que Paul annonce vient de l'Ancien Testament. Dieu avait fait une promesse dans l'Ancien Testament. Donc, il y aurait la vie dans le Messie. Donc, il dit, ce qu'on annonce, nous, c'est rien de nouveau. Les faux docteurs, dont il va parler un peu plus loin, les autres annoncent quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas basé sur des promesses de l'Ancien Testament ou sur des vérités de l'Ancien Testament. Il dit, mes ancêtres ont servi Dieu et que je sers moi aussi dans une conscience pure. Donc, Paul rend grâce à Dieu qui a été élevé dans un peuple qui a été choyé. Il a été choyé d'avoir été élevé chez les Juifs. Il a été choyé, même si ce n'était pas toujours 100% correct, 100% bien, 100% juste, il y avait des pécheurs là aussi, mais il rend grâce qu'il a été élevé, là, qu'il a été élevé dans la parole de Dieu. Et si vous regardez la vie de Paul, Paul se convertit quelques semaines après, il est dans une synagogue, puis il confronte tous les théologiens qui sont là, puis il leur montre que ce que l'Ancien Testament disait, c'est ça. Il n'a pas eu besoin de lire l'Ancien Testament. Était faite avec ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que cette semaine, j'écoutais Don Carson qui parlait de ça. Lui était élevé dans une famille chrétienne. Puis il dit, « Mon père me contait l'histoire biblique en me donnant mon bain. » Puis il dit, « Je m'en souviens encore. » Et là, j'ai dit, « J'ai été élevé, moi, avec ça. » C'était sûr ça dans chez nous. Puis il dit, les 600 chants des ailes de la foi, on les connaissait tous par cœur. On chantait tout le temps chez nous. Puis il dit, les 800 chants d'un autre livre en anglais, je les connaissais aussi par cœur. Il y avait une capacité intellectuelle un peu plus que d'autres, là. Donc, il y avait... Mais c'est de dire, j'ai eu un avantage, j'ai eu un privilège d'avoir été élevé comme ça. Moi, je connaissais toute la géographie d'Israël avant l'âge de 12 ans. On la chantait, la géographie. Ils chantaient les différentes tribus, ce qui était au nord, au sud, l'océan, les mers. Ils chantaient ça, c'était des petits cantiques, des petits... Fait qu'ils disaient, on est arrivé, puis on les savait, là. C'est un privilège qu'il y a eu. Donc, c'est un petit peu la même chose, idée de Paul ici. Puis Paul, il va le dire, t'as eu un privilège aussi, Timothée. Là, il va parler de sa mère, sa grand-mère. Donc, il dit, c'est un privilège qu'on a eu, toi puis moi, d'avoir été élevé en arrière. Donc, il dit... De ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Donc, Paul a une conscience pure. On a-tu de la misère avec ça? C'est-tu clair dans votre tête? Une conscience pure, ça se manifeste ici dans ce texte-là. Je crois que Dieu est celui qui intervient dans les vies. Et je sais que tu as besoin, je sais que tu es, toi, dans un temps difficile, et moi, je suis dans un temps difficile, et je prie Dieu continuellement. Ce que je sais, c'est ce que je vis. Je ne dis pas que je sais que Dieu est au contrôle, puis que je ne prie pas. Ça ne marche pas ensemble, ça ne peut pas être vrai. Il y a une des choses qui n'est pas vraie, là. Je dis que Dieu est comme ça, puis je ne le fais pas. Donc, ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ma conscience est tranquille, elle est pure. Ce que je dis, je crois que mes ancêtres ont servi Dieu, je sers Dieu, donc je prie pour toi continuellement, jour et nuit. Parce que je sais que même si tu es à 1000 kilomètres, je dirais même si tu seras sur la lune, je sais que Dieu peut intervenir dans ta vie, Timothée. Et je sais que c'est Dieu. Ce n'est pas juste mes paroles qui vont t'encourager. Il faut que l'Esprit de Dieu travaille en toi pour t'encourager à travers les paroles que je vais te dire. Il sait que même s'il était le grand orateur, puis il parle très bien, puis c'est un vrai théologien, je peux te dire des belles vérités, mais je sais qu'en même temps, Dieu va utiliser ces vérités-là pour changer ton cœur et ranimer ton don que tu as laissé tomber pour X raison. Donc, la prière reflète, notre vie prière reflète ce qu'on croit par rapport à Dieu. Ça va de pair, ça va ensemble. Si je crois ça, puis je le dis, puis je le prêche, je l'enseigne, je devrais le vivre automatiquement. Ça devrait aller de pair ensemble. C'est ça qu'on a vu tout au long, cette conscience pure, ce cœur pur, cette foi sincère, ça va ensemble. Si je dis que moi, je crois que Dieu peut intervenir, mais que je ne prie pas, c'est une foi intellectuelle simplement. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'action qui émane de ça. Donc, c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Des fois, ça m'arrive que je vais lire un verset ou un texte de la Bible. Puis là, je me répète. Je le sais intellectuellement. Mais j'ai dit, Dieu, j'aimerais que ça descende dans mon cœur. J'aimerais le vivre, pas juste le savoir. J'aimerais le vivre. Ça, il y a juste toi qui peux le faire. Moi, je peux savoir par cœur les textes. Moi, je peux les lire et les recevoir, ces vérités-là, intellectuellement. Mais qui a un pouvoir en moi à changer mon intelligence ou m'amener à agir, ça prend l'Esprit de Dieu. C'est ça que Paul va en parler un peu plus loin. Il dit, ranime par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ça prend ça. Donc, Paul, il prie celui qui peut intervenir avec les paroles que lui va dire, Paul. Donc, c'est un peu la même chose que si on dit quelque chose, mais nous savons, vous avez probablement entendu à ce temps, je ne dirais plus que je suis vieux, vous dites, c'est mes pellules. J'entends vous le dire toujours, puis j'ai perdu. Je ne peux pas t'aider, je suis trop vieux. Toi aussi, tu prends des pellules, bon, OK. Mais c'est vraiment, on est vraiment dans la position que l'apôtre Paul croit. OK, quand j'annonce, c'est ça que je voulais dire, quand j'annonce l'Évangile à quelqu'un, il faut que je croie que ça prend une intervention divine pour qu'il croie. Donc, si je ne prie pas après, c'est que je ne le crois pas. Je crois juste à ma persuasion à moi et les mots que j'ai dit. Mais si j'annonce l'Évangile à quelqu'un et que je m'en prie après, là, je démontre que je crois que ça prend une intervention divine pour que les mots que j'ai dit puissent agir dans le cœur de la personne. Mais si je ne prie pas, je me fie juste à ce que j'ai dit. Et ça c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que Dieu, dans sa grâce, ne peut pas faire de quoi, là? Dieu n'est pas imité notre folie, là. Mais ça nous montre à nous la foi qu'on a, notre compréhension qu'on a de la foi. Donc, je prie pour toi. Donc, on comprend pourquoi il prie, parce qu'on a vu Timothée, enfant, en larmes, un peu gêné, un peu timide, un peu honteux, un peu hésitant. Et je prie pour toi continuellement, jour et nuit. Donc, Paul, il ne dormait jamais. Oui, il dormait. Il dormait. Ça veut dire quoi, ça? C'est une façon de parler. Ça veut dire, je pense à toi souvent, puis je prie pour toi. Donc, ça peut prendre 10 secondes, 5 secondes. Je suis en train de marcher, je suis dans ma prison, je me réveille la nuit, je vais prier 5 secondes, 10 secondes pour Timothée, puis je me rendors. C'est ça que ça veut dire. Je pense à toi souvent, je prie pour toi. Chaque fois que tu viens à ma mémoire, je me souviens de toi pour une raison quelconque, je prie pour toi. Ça ne prend pas de temps, ça. Mais là, on voit quand même que même s'il prie beaucoup, Timothée, c'est pas fort. Là, non. C'est pour ça que la question, c'est qu'il ne nous dit pas, lui, qu'est-ce que lui priait, tu sais. Mais il prie pour Timothée. OK? Mais la question, c'est que Paul ne croit pas non plus seulement à la prière. Il ne fait pas juste dire, je prie, mais je ne t'écris pas. Je prie, mais je ne te visite pas. Je prie, mais ça ne marche pas non plus de même. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Je prie, mais je t'écris. Je prie, mais viens me voir. Je prie ou je vais aller te voir si je peux. Donc, la prière, on disait ça quand on était jeune, il faut qu'elle ait des pattes. Il faut avoir des pattes à nos prières. Si on ne met pas de pattes à nos prières ne sont pas sincères. On dit ça comme ça, c'est clair et net pour moi. C'est pas sincère. On prie, on ne fait rien, c'est pas sincère. C'est la prière est toujours accompagnée d'œuvres qui manifestent cette foi qu'on a. C'est sans ça, ça ne marche pas. C'est de la religion, moi, j'appelle ça. Okay? J'ai prié longtemps quand j'étais jeune pour les âmes du purgatoire, mais je pense pas qu'il y en a sorti une de là, tu sais. Puis j'ai jamais rien fait pour eux autres non plus. Mais ma mère a dit, il faut prier pour les âmes du purgatoire. Fait qu'on prie pour les âmes du purgatoire. Mais quand on prie pour quelqu'un ou quelque chose, on devrait se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour ce que je viens de prier? Qu'est-ce que je peux faire? Ça n'a pas besoin de bouleverser toute ma vie. Qu'est-ce que je peux faire avec la prière que je viens de faire? Pour me montrer à moi-même, pour montrer à Dieu que je suis sincère, je veux faire de quoi? Je veux faire de quoi pour cette personne-là, cette cause-là? Je veux faire de quoi? Donc, je vais passer à l'action. C'est important. Donc, Paul, il dit, je prie, je me rappelle tes larmes. Bon, là, c'est quoi ces larmes-là? Paul, c'était-tu un chialeux, un pleurnicheux? C'était-tu une mémée? Comment est-ce qu'on les appelle? Une féfée, je ne sais pas quoi, là. Pourquoi il pleure? Pourquoi il avait pleuré? La plupart des commentateurs, je vais vous dire ce que les commentateurs, en général, pensent. J'adhère pas, mais je vous le dis pareil. Ils pensent que c'est quand Paul a parti d'Éphèse. Il y en a qui disent que ce n'est pas ça, c'est des fois, il y en a qui mettent la référence de Acte 20, quand il y a un prophète qui annonce aux chrétiens, le gars là, à qui appartient cette ceinture, il va être attaché à Jérusalem et vous ne reverrez plus sa face. Et là, tous les chrétiens font des gros câlins à Paul parce qu'ils savent qu'ils ne reverront plus jamais Paul. Il va mourir, il s'en va à Rome et il va être prisonnier. Il y en a qui disent, c'est cette foi-là. Il n'y a rien dans mon texte qui me dit ça. Donc, il n'y a rien dans mon texte qui me dit ça. Donc, dans mon texte à moi, la seule chose que je pourrais voir, c'est ce que Paul vit. Ça pourrait l'avoir attristé Timothée de savoir que Paul est en prison, que Paul sait que sa fin est proche. C'est tout ça qui rend Timothée triste. Juste que Paul, son mentor, son père spirituel, il est dans une situation difficile. Je ne crois pas. Il décrocherait tout de suite, il partirait. Il n'y aurait pas d'hésitation, il aurait dit, on y est fort, ressuscite, mais moi, je vois. Mais je crois que plutôt, c'est des larmes qui viennent du fait de ce qui rend la vie chrétienne pour lui difficile. Paul a vu Timothée, parce que je me rappelle tes larmes, donc c'est dans le passé à quelque part. Il les a vues. Fait que c'est pas là, parce que là, il n'est pas avec lui présentement, mais il les a vues. Je crois que Paul sait quel genre de gars Timothée est. Il sait. Donc, il l'a déjà vu pleurer pour différentes raisons. Est-ce qu'il voit ça? Je sais quel genre de gars tu es. Bon, moi, c'est la façon que je le vois. Avec l'ensemble de l'épître que je vois, je dirais que c'est probablement cela. Et où, ben donc, Paul ou Timothée? Les enfants, ils ne savent pas que je t'ai dit, ils sont en les pelules, encore une fois. Je suis en train de dire quoi? Tu te rappelles, non? Qui ne sait pas que. Toi, tu as dit, Paul ne sait pas que Timothée, mais là, on attendait la suite. Paul en larmes. OK. Je crois que Paul est en. Timothée est en larmes. Parce qu'il est triste de ne pas avoir le guts d'y aller voir Paul. Il n'a pas le guts de passer à l'action. Il est triste de ne pas être capable, de ne pas faire ce qu'il devrait faire. Comment Paul serait ça? Il rappelle des larmes. Donc, c'est quelque chose que Paul a vu en lui. Pour moi, c'est que Paul bâtit, tout ce que je vous dis, là, il parle du présent en bâtissant sur le passé. Il se rappelle, c'est son temps avec Timothée. Et de là, il bâtit sur quelque chose dont il parle dans le futur. Donc, c'est quelque chose qui, comme, selon moi, Paul, il parle à partir de ce qu'il sait comment Timothée est. Je vous dis, je n'en ferai pas une thèse de un doctorat là, de cela. C'est ma façon de comprendre. Parce que je vois l'ensemble de ce qui se passe dans 2 Timothée. Un hésitant, peur, crainte. Vous êtes déjà arrivé de pleurer parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous avait demandé? Ou vous ne faites pas ce que Dieu vous a demandé? Pourquoi c'est sorti Dieu de comprendre que Timothée pouvait le faire aussi? Je ne sais pas. Je vous lance la question. Donc, ça ne serait pas si compliqué de croire qu'il pouvait Timothée l'a pu le vécu. Est-ce que Paul l'avait déjà vu faire ça? Si ce n'est pas ça, mais ça peut être des larmes parce qu'il a quitté Timothée ou a quitté ça. Mais ça nous montre que Timothée avait c'est un homme sensible. C'est un homme qui était sensible. Et que s'il pleure parce que l'autre s'en va en prison, parce qu'on va voir, il dit, viens me rejoindre. Donc, il ne pouvait pas... Je ne crois pas que ça peut être des larmes à cause qu'il est parti en prison, à cause qu'il était là-bas, parce que il lui dit, viens me rejoindre. Donc, il sait qu'il a le temps de s'en venir pour le voir. Donc, si Paul savait que Timothée ne le verrait plus jamais, ben, il ne dirait pas, viens me rejoindre. Oui, mais savoir que ton chum s'en va en prison, même si ça pourrait être ça aussi, puis je dis, le fait. Mais la question, c'est qu'il base, ça je vous dis là, pour comprendre ce qu'il va lui dire dans le présent et dans le futur, il faut comprendre le passé. Lui, il parle du passé ici, là. Il parle de son passé à lui, mes ancêtres, et il parle, je me souviens de toi, je prie pour toi, et je désire te voir, à la fin du verset 4, afin d'être rempli de joie. Voyez-vous donc? C'est lui qui a besoin d'être rempli de joie. Oui. Par Timothée, par le fait que Timothée va fonctionner. C'est ça. Pour moi, est-ce que Paul... Il va avoir éteindu ses larmes aussi, là, tu sais, qu'il va avoir arrêté de pleurer, puis qu'il va avoir... Qui ça? Timothée. Ah oui, oui. Donc, moi, je crois que pour Paul, présentement, Timothée est un sujet de larmes pour lui aussi. OK? Dans juste un sens. Parce que je veux être rempli de joie par toi. C'est toi qui... J'aimerais entendre des choses et voir des choses qui me rempliraient de joie face à toi. Mais là, ce que j'entends, ce que je sais, ce que je pense, tu auras besoin d'aide plus que d'autres choses. Donc, c'est ma façon de comprendre un petit peu. Au verset 5, gardant le souvenir de ta foi, de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, j'ai l'impression que Loïs et Eunice, qui étaient des Juives, sont devenues chrétiennes à quelque part. Je ne crois pas qu'ils parlent. Qui sont de foi juive, mais qui sont devenus des chrétiennes en s'en allant. Donc, je vois ça par les Actes des Apôtres jusqu'à un certain point. Mais il dit, et qui, cette foi-là, la foi de tes aïeux, elle habite aussi en toi. J'en suis persuadé. Qu'est-ce qui a persuadé Paul que Timothée avait cette foi sincère-là? C'est le passé. C'est le passé. C'est ce qu'il a vu Timothée vivre, accomplir dans le passé. Ce n'est pas le présent, ce n'est pas le futur, c'est le passé. Il dit, je t'ai vu, j'ai vécu avec toi pendant des années, peut-être une décennie, peut-être 2 décennies, que tu voyages avec moi quand tu allais faire des voyages missionnaires. J'ai vu en toi une foi sincère. Donc, et j'en suis convaincu qu'elle est là cette fois-là. C'est ça qu'il va dire, ranime, non pas obtient, mais ranime. Excusez. Donc, elle habite en toi cette foi-là, cette foi qui est vraie, qui est pure, qui est sincère. La foi qui vient de l'Évangile. La foi qui est donnée par Dieu jusqu'à un certain point. Donc, ça, c'est leur passé. Parce que si les deux, si Timothée et Paul n'ont pas vécu ça dans le passé, ils ne pourraient pas dire ce qu'ils vont dire dans l'Épître. Tu ne peux pas. Des fois, je rencontre des gens qui ont fait profession de foi dans le passé. Puis quand je parle avec eux autres dans le présent, je ne suis pas sûr. Donc, je ne sais plus comment leur parler. Ils ont déjà fait profession de foi. Ils ont déjà été dans les églises, peut-être été baptisés. Puis là, maintenant, Ils ne font plus rien. Ils ne vont plus à l'église, ils ne font plus rien. Et là, tu ne sais plus trop comment leur parler. Parce que tu n'es plus sûr que ce qu'ils ont vécu, c'est encore là. Un peu comme ceux qui ont abandonné Paul aussi. Oui, même affaire. Il y en a qui ont abandonné pour abandonner la foi. D'autres ont abandonné, mais sont encore dans l'église. Ouais. OK, là, c'est cette différence-là. Là. Mais je crois qu'ici, Paul, il va bâtir tout son argument sur le fait qu'il connaît Timothée et qu'il a vécu avec Timothée. Donc, je crois personnellement que, comme je disais tout à l'heure, pour Paul, Timothée, c'était probablement le sensible de sa gang. Parce que Paul avait toujours 10-12 gars qui tournaient autour de lui tout le temps. C'était probablement le sensible. Chaque fois qu'il voulait l'envoyer à quelque part, il était peut-être hésitant. Donc, c'était son genre, probablement. C'est ce qu'on pense. Mais c'est ce qu'on lit aussi jusqu'à certains points. Et là, à cause du passé, versets 3 à 5, là, il va parler du présent. Okay? Verset 6, c'est pourquoi, là, il revient au présent, là, il parle dans la lettre, il lui dit, « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranime ou souffle sur la flamme. Fais quelque chose parce que c'est en train de s'éteindre. Ou c'est presque éteint. Ou il n'y a plus grand boucan qui monte. Je ne sais pas comment le dire. Marquez bien, c'est pourquoi. Si j'avais pas vu ça en toi avant, si j'avais pas vu ça sur Loïs et sur Eunice, si j'avais pas vu en toi cette foi-là, je pourrais pas te dire de le ranimer. Je pourrais pas t'exhorter à ranimer ce que tu as laissé tomber, ou ce que tu as mis de côté, ou ce que tu t'es refroidi, ou peu importe comment on peut le dire. Donc, ranime on pourrait dire en québécois, ce zèle que tu as eu pendant une secousse, ou pendant que tu étais avec moi. Tu étais zélé, tu étais go, on y va, Paul. Et là, tu es tout seul, ça va mal, c'est difficile. Il dit ranime la flamme du don de Dieu. De quel don parle-t-il? Que tu as reçu par l'imposition des mains, de mes mains. Le don de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour toi, là, le don de la foi? Ça veut dire que... Il dit ici, la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Oui, le don, ça serait... La foi? Ouais. Donc, il sera converti par l'imposition des mains? Oui. On va essayer de t'éclairer. A vous d'autres idées? La grâce. La grâce, ça reviendra un petit peu à ce que lui dit... La grâce. D'autres choses? L'évangéliste. Oui, c'est le don d'évangéliste. OK? Le don d'évangéliste qu'il avait reçu de la part de... On l'avait vu dans la première épître. OK? Fait l'œuvre d'évangéliste. Je crois que Paul a imposé les mains et Timothée a reçu un don, que le don d'évangéliste, et il l'a utilisé comme pour travailler avec Paul. Puis il va lui dire à la fin du chapitre, dans cette épître-là, fait l'œuvre d'un évangéliste. Ranime ce don-là que tu as reçu. C'était quoi un évangéliste? C'est-tu Billy Graham? Non. Ça, c'est évangéliste américain. 20e siècle. Mais un évangéliste, c'était pas ça. C'est celui qui passait entre l'apôtre et le pasteur ou l'enseignant. Souvent, quand l'apôtre Paul partait, il laissait un évangéliste en arrière pour mettre des fondements, pour structurer l'Église, pour finaliser l'enseignement apostolique. Donc, c'est pour ça qu'il va dire, reprends, censure, dirige, exhorte, pour qu'il garde la foi. Là. Redresse ça un peu, mon Timothée. Là. Moi, je suis parti dans une autre ville pour commencer une autre Église. Toi, donne un suivi à l'Église qui est là. Va voir, regarde. Philippe est aussi un évangéliste, c'est les deux seuls. Philippe et Timothée, c'est les deux seuls qu'on a dans le Nouveau Testament qui sont appelés évangélistes. Donc, c'est un peu comme des théologiens. C'était des enseignants qui connaissaient bien la doctrine apostolique, parce qu'ils suivaient Paul, puis qui allaient voir l'Église qui avait été mise en place, puis essayaient de finaliser, ou fignoler, comme on dit, c'est-tu vraiment ça, fignoler? Fignoler un peu, remettre de l'ordre s'il y avait besoin d'ordre, ou répondre à des questions, s'il avait besoin, il y avait des questions à répondre, bien, pour que l'apôtre puisse continuer à aller annoncer l'Évangile plus loin, il y avait l'évangéliste. C'est pour ça qu'on dit, Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs docteurs. Donc, l'évangéliste avait un rôle, on pourrait dire, d'intermédiaire entre les deux. Puis on va voir qu'on sait que Timothée n'a pas été laissé au stade olympique pour évangéliser, il a été laissé dans une église pour dresser l'Église. Donc, son travail d'évangéliste se faisait à l'intérieur de l'Église et non pas en une campagne d'évangélisation quelque part. Donc, il dit « Ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranime-le. Bon, » vous savez, vous êtes tous assez intelligents pour savoir si ça veut dire quoi, ranimer un feu qui est en train de s'éteindre. Perdre du zèle, perdre le goût. Ça veut dire « Je vais arriver dans mon vie chrétienne. » De passer par des périodes... Il dit, mais ranime. Qu'est-ce qui a causé cette perte-là? Qu'est-ce qui a causé cet arrêt-là? Qu'est-ce qui a causé ce ralentissement-là? Il faut le trouver. Il faut d'abord l'admettre. Moi, j'ai ralenti, j'ai plus le zèle que j'avais avant, je n'ai pas pour une raison X. Il faut que je trouve un peu la raison pourquoi c'est comme ça. Ça se peut-tu que de toujours être au même endroit, quand c'est des gens qui allaient d'une église à l'autre, puis qu'il y a une stimulation à avoir des nouveaux endroits, tout ça, puis que là il plafonne trop à être au même endroit, Timothée, là, puis en plus, il n'est plus avec Paul, c'est comme un peu plat pour lui. Je ne vois pas ça. Puis Paul, ça ne sera pas la solution qu'il va donner là, à Timothée. Change de place. Ouais. C'est pas ça qu'il va dire. Il va dire reste là. Là puis, regardez bien pourquoi il va lui dire ça. C'est au verset 7. Il y a un quart. Quand vous avez un quart, c'est la réponse. Ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, le don de Dieu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Voyez-vous? Il parle de sa timidité, là. Il n'y a pas le choix, là. L'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. Timothée. Belle valeur, mais l'esprit de Dieu n'est pas timide. Il ne faut pas que tu mettes ça sur le dos du Saint-Esprit. C'est « Ah, oh, j'ai éteint les sept esprits. Oh, je l'ai éteint. Oh, je l'ai attristé. Ça ne marche plus. » Non, pas ça. Hein? Il dit « L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, c'est un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Ça, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Donc, Paul ne dit pas qu'il lui-même doit faire tout ça tout seul. Il dit, l'esprit que tu as reçu est contraire à ce que tu es en train de vivre. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Vu que tu as reçu un esprit qui n'est pas timide, un esprit qui donne de la force, un esprit de sagesse et d'amour, et si toi, tu vis dans la timidité, il y a contradiction entre les deux. Ce n'est pas ça que tu as reçu. Donc, ce n'est pas la faute de l'esprit, là. On sait bien qu'on ne peut pas mettre la faute sur le Saint-Esprit. Donc, il a dit, tu devrais voir qu'il y a une contradiction entre les deux. La situation dans laquelle tu vis n'est pas normale. Si tu es timide, si tu as honte ou si tu rougis de l'Évangile, bien, ce n'est pas l'Esprit Saint. Là. Parce que l'Esprit que tu as reçu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, cet esprit-là, en dedans de toi, c'est pas ça qu'elle veut produire. Donc, il dit, « N'aie donc, c'est ça qu'il dit tout de suite après, « N'aie donc point honte. » »« N'aie donc point honte. » Je te demande pas de confronter le monde dans lequel tu es, l'Église dans laquelle tu es, ou le monde dans lequel on parlait de l'évangélisation. Je te demande pas de confronter ça avec ta personnalité. On ne pourra jamais dire à Dieu, mais c'est parce que tu m'as donné une personnalité comme ça, tu sais. Hein? Tu sais, moi, je suis timide de nature. Hein? Ou, tu sais, moi, je suis fantasme de nature, ou je ne sais pas quoi. Hein? On ne pourra pas. Hein? Parce que cet esprit, Peu importe la personnalité ou le caractère que tu as, tu as reçu le même esprit que les autres. Puis l'esprit ici le dit, là, il a trois attributs, cet esprit-là. La force, l'amour, la sagesse. Peu importe le caractère que tu as reçu le même esprit que tout le monde. Bien, tu ne peux pas dire, bien, moi, je ne suis pas fait de même. Tu vas peut-être prendre une approche différente, mais tu vas le faire. Tu vas le faire d'une autre façon que celui qui a un caractère qui est plus audacieux, qui est plus confrontatif. Mais tu ne peux pas dire, bien, moi, je ne suis pas comme ça. Bien, il fallait comme tu veux. Il fallait d'une autre manière, mais il fallait. Parce que tu as reçu l'esprit aussi de le faire. Mais c'est... Cet esprit-là, il dit, je t'envoie pas tout seul pour le faire. Je t'ai donné un esprit qui va t'aider à le faire, qui va travailler avec toi pour le faire. Voyez-vous, l'idée, c'est que c'est par toi-même, je peux comprendre que tu as de la misère à le faire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas capable humainement parlant. Humainement parlant, on a tendance à vouloir éviter ça. C'est pour ça que la mode fonctionne. C'est pour ça qu'à un moment donné, tout le monde a la même idée dans la société. On lance une idée, mettons, par rapport le mariage gay, exemple. Et tout d'un coup, toute la société devient en faveur du mariage gay. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être rejeté par les autres. On n'ose pas dire notre vraie opinion, on n'ose pas dire notre vraie pensée devant tout le monde, parce que t'es bien vieux jeu, toi. Non. On est en 2023 après tout, tu sais, arrive en ville. On n'aime pas ça. Fait qu'on n'ose pas prendre position, savoir, sachant que les gens alentour de nous autres vont prendre position contre nous. Et là, ça prend l'aide du Saint-Esprit. Ça prend l'Esprit de Dieu en dedans de nous. C'est pour que Paul fait référence à ça avec Timothée. Je te comprends, Timothée. Tu es jeune, tu as peut-être un tempérament timide, tu as peut-être un tempérament réservé, mais tu as le Saint-Esprit, Timothée. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Ah, tout seul, tu n'es pas capable, je sais. Mais avec l'Esprit, tu es capable. C'est lui qui va te donner la force de le faire. Parce que tu as un esprit de force. Le mot dans le force, là, c'est le mot dynamite. Fait que, hein, ça explose en masse. C'est le mot dynamite que là. Donc, c'est tu n'as de la force. Mais des fois, c'est qu'on essaie de le faire avec comme quelqu'un d'autre, avec une autre personnalité. Dans j'étais jeune, chrétien, d'être un bon chrétien, ça faisait du porte-à-porte. Un chrétien, ça faisait du porte-à-porte. J'ai essayé d'en faire. Je me suis fait du tort. Je me suis fait du tort, c'était pas ma personnalité en moi. Puis c'était pas à cause que c'était pas ma personnalité que j'ai arrêté. J'ai juste changé de méthode. Parce que c'était un mandat qu'on a de le faire. Donc, c'est pas de dire, bien, vraiment, je suis pas appelé à ça, faire du porte-à-porte, mais faire autre chose. Mais si tu ne fais rien, tu te trouves une porte de sortie. Mais si tu dis, c'est pas ma manière à moi de faire ça, mais je vais trouver une manière avec laquelle je suis confortable de le faire. Et là, je vais pouvoir le faire avec ça, parce que j'ai l'aide du Saint-Esprit. J'ai le pouvoir, avec le Saint-Esprit, d'accomplir. Parce que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose qui ne nous a pas donné la capacité de le faire. Jamais. Ce qui nous a donné le Saint-Esprit, c'est l'instrument par excellence qu'on a besoin pour fonctionner notre vie chrétienne. Parce que la nouvelle naissance, je vous l'ai déjà dit à un autre moment donné, naître de nouveau ne te rend pas capable. C'est naître de nouveau et le Saint-Esprit qui te rend capable. Tu as besoin des deux pour fonctionner. Tu reçois la nouvelle vie, mais il ne dit pas, tu es capable avec ça, vas-y. Non, il dit, je te donne le Saint-Esprit en plus. Là, tu vas être capable de le faire. Donc, c'est de trouver la méthode, l'approche qu'on veut le faire qui va nous aider à le faire. Excuse, François. Oui, vas-y. J'essaie de me mettre à la place de Timothée pendant que tu parles. Là. Je veux prendre sa défense, autrement dit. Là. Ça se peut-tu que, lui qui est resté là à Éphèse pour redresser, ça se peut-tu que ceux qui sont de l'autre côté soient trop forts pour ses capacités? Oh, oui. C'est oui. Peut-être pour ça. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Fait que là, ben, même s'il y a l'Esprit de Dieu, il y a une limite, là. Si, mettons, c'est un Timothée, puis il a affaire à un Gamaliel, très, très, très élevé. Peut-être qu'ils sont trop imposants par leur personnalité. Non, ça, c'est... Ça, c'est trouver une porte de sortie. Non, non, mais je veux comprendre, tu comprends. C'est pour ça qu'il voit Olivier après, un peu plus loin dans l'épître. Timothée reprend, censure, exhorte. Fais-le. Même si c'est difficile, même si tu es en entour de toi, tu as d'autres gens. Parce que c'est la vérité qui va triompher, c'est pas Timothée qui va triompher. Mais Timothée, ce qui va l'amener, il faut qu'il la dise, la vérité. La vérité ne triomphe pas tout seul. On ne peut pas mettre le livre dans... Non, non, il faut qu'elle soit dite, la vérité. Donc, il faut que quelqu'un parle. Dans cette occasion-là, c'était Timothée. Donc, Timothée, si tu ne te lèves pas, on l'avait vu dans la première épître, tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Si tu fais ça, si tu ne le fais pas, qui va le faire? C'est toi, mon bras droit, là, que j'ai laissé là. C'est toi qui as la connaissance théologique pour le faire. Là. Ça veut non? dire qu'entre la première lettre et la deuxième, il ne l'a pas faite. Oh, je crois qu'il l'a fait, puis il va falloir qu'il fasse encore. Je l'ai déjà dit une fois. La vie chrétienne, c'est comme la manne. Tu ne peux pas l'accumuler pour le lendemain. Il faut aller en chercher tous les matins pour pouvoir manger. La vie chrétienne, c'est comme ça. Je ne peux pas dire, je l'ai là. Bon, là, je suis capable. Je l'ai pour le restant de ma vie. Le lendemain, tu vas falloir, tu tombes encore à genoux, il faut faire que tu pries encore, il faut faire que tu lises encore, il faut faire que tu te fortifies encore pour continuer la marche encore une fois. Parce que quand on pense qu'on l'a, on ne l'a plus. Vous avez déjà entendu le dicton, hein? Quand on pense qu'on l'a, on ne l'a plus. Donc, mais quand on pense qu'on ne l'a pas, on va le chercher dans la personne de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit au verset 8, « N'aie donc point honte. » Le mot « honte » va avec timidité tout à l'heure. OK? C'est pas un esprit de timidité, parce que quand la honte, ça va rejoindre des fois la timidité. Donc, c'est la difficulté. Donc, il dit, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. » Là, c'est plus fort que... N'aie pas honte de moi, Timothée. Tu sais, moi, Paul, là, ton père spirituel, n'aie pas honte de moi. Là, il va plus loin que ça. Il dit, « N'aie pas honte du témoignage à rendre au Seigneur Jésus-Christ. » Et ça, on ne parle pas d'évangélisation. Là. On parle dans l'Église. Prends position, Timothée. Lève-toi et dis ce qui a à être dit devant ces gens-là. Reprends-les quand c'est besoin. S'ils disent quelque chose. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, j'ai dit. Elle a dit quelque chose, j'ai dit il faut que je te dise que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu vois les choses de la vie chrétienne. Ses yeux sont venus ronds un petit peu. On n'aime pas se faire dire ça par qui que ce soit. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Dis ce que Jésus a dit. Dis-le la façon que tu voudras, avec la personnalité que tu voudras, avec le caractère que tu voudras, mais dis-le. N'aie pas honte de ce que tu crois. N'aie pas honte de ce que le Seigneur Jésus t'a dit. Dis ce que je t'ai dit, moi, Paul. Dis-le aux gens dans l'Église. Ça peut te coûter quelques plumes, mais dis-le aux gens. Et ça avait vraiment... C'est quand l'Église ne le fait pas, c'est pour ça que l'Église a mort. Elle s'éloigne tranquillement, puis elle meurt. Parce qu'on ne prend pas position personne. On veut juste être bien dans notre petit cocon, puis on ne veut pas être frustré personne, puis on ne veut pas dire à personne... Alors, un jour, je parlais avec quelqu'un, oh, François, on n'en parle pas dans l'Église, c'est un sujet de frustration, on n'en parle plus dans l'Église. Il n'a pas dit ça, bon gars, tu dis, moi, ça me répule bien raide, c'est ce que j'entends ça dire. Ben voyons donc. Mais puis quand tu laisses l'Église te dicter, toi, l'enseigner, que tu ne dois pas enseigner tel livre de la Bible parce que les gens n'aiment pas ça. Voyons donc. Vas-y avec ta personnalité, ton caractère. On est rendu là, puis on fait le livre, puis on dit, voilà. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de le faire. Donc, mais on a toutes sortes de versets. Fallait doucement, avec respect, avec selon ton caractère. Prends pas le caractère d'un autre. N'essaie pas d'être le gros toxon si tu ne l'es pas. Vas-y doucement, en flattant s'il le faut, puis pars, puis dis la vérité, tel que c'est. C'est ça que Jésus a dit, c'est ça que Jésus a enseigné. Je vous le dis. Si vous ne voulez pas l'entendre, Bien, entendez-les pas, mais moi, je vous le dis pareil, c'est quoi la vérité? Donc, il dit, « N'aie pas honte du témoignage à rendre à M. Jésus-Christ. » Donc, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, puis qu'il a dit, là, c'est ce que ça veut dire, hein? Rendre témoignage. Donc, ça voudrait-tu dire que Timothée avait un peu honte? On est obligé de penser ça. Il dit, « Donc, vu que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, tu as reçu un esprit de force, donc, n'aie pas honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ. » Et savez-vous ce que je trouve, moi je dirais ça, super. Il dit, tu vas le savoir si tu as honte du témoignage de Jésus-Christ, si tu as honte de moi. Si tu as honte de moi, là, tu devrais te dire, j'ai honte de Jésus-Christ aussi. Là. C'est comme ça qu'on peut vérifier nos affaires, hein, nos pattes aux prières, comme je disais tout à l'heure, là. « Ah, oh, moi, j'ai pas honte du Seigneur Jésus-Christ, j'ai pas honte du Seigneur Jésus-Christ. » Ah, oh, ben, Paul, je le connais pas. Non, Paul, je le connais pas. C'est ça que ça veut dire. Tu sais, les disciples qui ont dit à Jésus, « Ah, oh, on va mourir pour toi, on va être prêt à suivre partout. » Tu connais-tu Jésus? Non, je le connais pas, je le connais pas. Tu sais, on voit bien que ça marchait pas, là. Donc, il dit, Timothée, tu vas savoir si tu as honte du témoignage à l'âme de Jésus-Christ, si tu as honte de moi, son prisonnier, moi, son apôtre. Si tu es mal à l'aise de parler de moi, de ce que j'ai dit, de ce que je suis en train de vivre, que je suis en prison, que je vais peut-être être décapité avec le temps, je ne sais pas. Si tu as honte de moi, je te le dis, tu as honte du Seigneur Jésus-Christ aussi. Là. C'est fort ce qu'il dit. Tout littéraire, il parle, mais il dit la vérité. Il ne dit pas beige, je crois qu'il est plein de sensibilité, mais il dit la réalité. Il dit à la réalité à Timothée, hey, Timothée, redresse-toi, mon gars, tu sais. Il dit, mais, n'aie pas honte de moi, mais, voyez-vous la question, là, sauf avec moi. Qui court vers la souffrance de plein gré avec joie? Donc, est-ce que Timothée voulait éviter un peu de souffrance? Probablement. Là, je ne parle pas des inconvertis, encore une fois, je parle de l'Église, là. Parce qu'il savait qu'il s'est pris une position contre les gens, et je crois, personnellement, je vous dis ça comme ça en passant, on va le voir s'en allant, Paul, c'est pas pour rien que les gens l'ont abandonné, qu'il va dire dans la lettre. Si les gens abandonnaient Paul, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Timothée, vous pensez? Si Timothée dit la même chose que Paul? Si les gens abandonnent Paul parce qu'il veut prendre position pour l'Évangile, puis dire l'Évangile, peu importe qu'est-ce que ça va lui coûter, bien, il dit à Timothée, « Mais Timothée, souffre avec moi. Puis dis les mêmes choses que moi, je t'ai enseigné à tel que le temps. Vas-y mollo, pleure en le disant s'il le faut, parce que tu es un gars sensible, mais dis ce que je t'ai dit. Dis ce que le Seigneur Jésus nous a dit de dire. Reprends-le, dis, non, ça, la résurrection n'est pas arrivée. Elle est à venir, la résurrection. On en parlait un peu plus loin. Non, vous mentez, là. La résurrection n'est pas arrivée. C'est fou le dire. Mais dis-le avec le tempérament que tu as, le caractère que tu as. Dis-le. C'est pour ça qu'il dit, sauf avec moi pour l'Évangile. Puis là, il revient avec par la puissance de Dieu. Vous dites, alors, on n'est pas capable de faire ça avec notre chair. Peu importe le caractère qu'on a. Ça prend la force qui vient du Saint-Esprit pour le faire. Et ça, comment est-ce qu'on va aller vivre ça, cette force-là? Comment est-ce qu'elle va se manifester? Est-ce qu'on doit l'alimenter? Est-ce qu'on doit faire de quoi pour l'avoir? On a le Saint-Esprit pourtant. Donc, on devrait tout être fort. Si c'est lui la source de la force, on devrait tout être fort. Mais on a un exemple flagrant, Timothée de la misère. Pourquoi il y avait de la misère s'il y a la force? Si tu as toute la force du monde en dedans de toi, qui est le Saint-Esprit, là. C'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, vous savez, c'est la dynamite, là. Il est là, en dedans de nous autres, là, il l'a dit, là, le Saint-Esprit est en dedans de nous autres. Pourquoi tu as un peu con, non? On s'est couché, on était plein d'audace, on s'est levé, on était plein d'hommes. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Qu'est-ce qui cause? Qu'est-ce qui est arrivé pour que Timothée arrive là? L'approche du rejet, d'être rejeté. ça joue au niveau de la bouche. La puissance est là, mais si tu ne parles pas, tu n'auras pas de rejet, okay. Tu n'auras pas rien. Donc, ça joue dans ta... Tu préfères éviter les troubles, tu gardes ta bouche ferme. OK, mais Timothée l'a déjà fait. Oui, maintenant, il ne le fait plus. Ouais. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui a fait ça entre les deux. Qu'est-ce qui a arrivé à amener Timothée à se taire et à ne plus parler? Ouais, pas aller plus loin. Mais c'est comme ça, c'est pas le Saint-Esprit qui a besoin, c'est Paul qui a besoin. Ça ne marche pas, hein? Non, ça ne marche pas. Donc, Il a été le Saint-Esprit. Mais c'est que ça. C'est un pécheur. C'est un pécheur. Mais fait que. C'est ça qui va répondre à Paul. Tu sais, Paul. Je suis un pécheur. Tu sais, en voulant dire, c'est pas de ma faute, je suis un pécheur. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas là. Voyez-vous qu'il manque quelque chose à quelque part. Je te connais, Timothée, tu étais avec moi, tu as fait ci, tu as fait ça, je veux ta bonne foi 500, tout ça. Et là, ce que j'entends, tu as la honte un peu de rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ et pour moi, son prisonnier. Puis Paul, lui, quand il prie, mettons en prison, il a prié avant d'écrire la lettre. Là. C'est un grand sujet pour lui. Là. Fait que c'est réfléchi ce qu'il écrit. Là. Ben oui, c'est très précis. C'est même inspiré, on pourrait dire, de la part de Dieu. En plus, oui. C'est vous, je vous ai déjà parlé avec le temps. C'est très subtil de s'éloigner de la vérité et du Seigneur. C'est très subtil. Première chose qu'on sait, on ne le fait plus. On ne sait pas trop pourquoi. Parce que ça s'est fait tellement subtilement, tellement doucement, tellement sans que ça apparaisse. La première chose que tu sais, tu ne fais plus. Tu te demandes pourquoi. Tu n'as pas vraiment de raison claire dans ta tête pourquoi c'est. Pourquoi dans le temps j'étais comme ça, pourquoi je faisais ça, maintenant je ne le fais plus. Je ne sais pas comment j'ai demandé à des chrétiens à travers mon 47 ans de vie chrétienne, pourquoi ils avaient arrêté de prier. Ils ne savaient pas. Pourquoi tu ne pries plus? Je ne sais pas. Pourtant, ils ont déjà prié avant. Pourquoi ils ne prient plus? Ils ont des raisons, mais ils ne les savent pas. Parce que ça s'est fait tout le temps, tranquillement, sans pas savoir. On a remplacé ça par d'autres choses. On s'est fait finalement, on ne prie presque plus jamais, ou de temps en temps. Mais pourquoi c'est arrivé là? La vie chrétienne, c'est un ensemble. C'est un ensemble de choses. Ce n'est pas une chose. Ça va ensemble, toute cette façon de vivre-là, autant avec la parole de Dieu, avec la prière, avec la communion fraternelle, avec il y a un ensemble qui fonctionne. C'est un... Je vais parler là comme un ignorant. Quand mon moteur arrête, moi, là, dans mon char, là, je suis sur le bord du chemin, là, j'ai aucune idée pourquoi c'est là. Si tu me demandais, François, pourquoi ton char m'en tourne? Je sais pas. Pourtant, il renaît avant, puis là, il ne renaît plus. Il s'est passé de quoi entre les deux? Je n'ai peut-être pas changé d'huile. Je n'ai peut-être plus d'huile. Je ne sais pas. Tu sais, j'essaie de trouver une raison. Là. Pourquoi il roulait il y a 100 km, puis là, il ne roule plus? Pourquoi je roulais avant, puis là, je ne roule pas? Il y a des raisons. Je crois que la vie chrétienne, c'est un ensemble de choses qui s'alimentent les uns avec les autres. Puis quand on commence à en délaisser un, l'autre aussi, puis là, finalement... On est rendu comme Timothée était rendu là. Je crois que Timothée, étant un chrétien comme moi et vous, il passe par les mêmes étapes que moi et vous. Il a besoin d'exhortation, de prière, de recommandation. C'est quoi les quatre grands piliers? On a déjà vu ça ensemble, les quatre grands piliers de la foi. On avait vu la parole de Dieu, les prières, la communion fraternelle, le repas du Seigneur, c'est les quatre grands piliers. C'est tout le temps ça qui va ensemble en grande partie. Donc, comment est-ce que Timothée est arrivé là? On va le voir un peu plus loin, il va en parler à Timothée. Il va dire, fuis quelque chose. Ne t'occupe pas de ces affaires-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Il va dire à Timothée, si tu ne sais pas quoi faire, Timothée, je vais te le dire quoi faire, Timothée. Il y a des gens que tu côtoies que tu ne devrais pas côtoyer, Timothée. Il y a des gens qui t'écoutent des choses que tu ne devrais pas écouter. Ils appellent ça des vains discours, des vains profanes. Ils disent, éloigne-toi de ces choses. parce que tu vas te faire entraîner. Donc, c'est un... Timothée a tombé dans le même panneau que nous, on tombe des fois, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on est en train de s'éloigner. Tout d'un coup, on dit, j'ai plus le zèle que j'avais, me semble. J'ai plus le zèle que j'avais au début. J'ai plus le zèle que j'avais... Mais quand tu ne connais pas la cause, là, de pourquoi tu as fait... Tu ne connais pas la cause, pourquoi ton moteur n'a pas avancé, comment tu peux réanimer quelque chose quand tu n'en connais pas la cause et que la personne ne sait pas. Lui, là, il va s'en recrinquer. Il t'écoute pas, puis il va te recrinquer. Mm-hmm. Okay. Ouais. C'est ça que Paul va faire, pas à Timothée. Là. Il veut l'un d'elle le recrinquer. Là. C'est ce que je pense. Okay. On va voir ça. Mais... Qu'est-ce que je fais quand mon moteur arrête? C'est bord de la route. Je vais chercher Michel ou Gaétan. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher un mécanicien, j'appelle une flotte, je dis, hey, je suis arrêté du long de la route. Je ne veux pas rester là comme un cadre. Je dis, ben, c'est pas de ma faute, puis je vais rester. Tu sais, bon, ben, c'est pas de ma faute, moi, ça, là. C'est Michel, le problème, là. Tu sais, là, finalement, là, je vais trouver un coupable. Mais non, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je fais 9-1-20. Voilà, le numéro qu'ils m'ont donné là, pour la route, là. Puis j'ai dit, ben, je suis en panne, venez me chercher. C'est ça que je fais. Je reste pas là comme un oie sur le bord et dis ben je ne sais pas quoi faire. Mais non, ça c'est pas une façon d'agir. Non, je dis ben je m'aperçois que je suis arrêté sur le long de la route. Puis je veux pas rester là. Je veux avancer. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais chercher de l'aide. Chercher de l'aide, c'est ça que je fais. C'est ça que Paul fait avec Timothée ici. Mais on le sait-tu qu'est-ce qui est arrivé avec Timothée? Ben après? Ouais. Non. Pas... On n'a pas d'autres lettres. On pense que c'est les dernières lettres que Paul va écrire. Les lettres, ce qu'on appelle les lettres en prison, les lettres pastorales. Et on n'a pas d'autres idées par après. Même dans l'histoire, on n'a pas vraiment d'idées. J'espère qu'il est parti d'avant, qu'il continue. Parce que c'était l'intention de Paul. Mais s'il est parti voir Paul, peut-être que ça l'a... S'y est allé. C'est ce que Paul aurait aimé qu'il fasse, mais l'as-tu fait finalement, on ne sait pas non plus. Mais Paul, lui, ce qu'il va lui dire, hein, tout au long de l'épître, c'est que pour finalement, il puisse aller voir Paul. En faisant ça, il montre qu'il n'y a pas honte de Paul. Et il montre qu'il n'y a pas honte du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça va être pour lui comme je sais que je n'ai pas honte parce que je suis allé voir Paul. Je suis allé voir en prison. Je sais que je n'ai pas honte du Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai mis ma vie en jeu pour aller voir Paul. Donc, je sais que je n'ai pas honte, j'espère. Avant ça, j'hésitais, mais là, par la grâce de Dieu, par la force du Saint-Esprit, j'ai passé par-dessus, puis je suis allé voir Paul. J'ai emmené son manteau, puis les parchemins, puis j'ai embarqué Marc dans le traîneau, pour dire, on s'en va à Rome voir Paul. On va aller encourager Paul, qui est en prison. Donc, c'est des petites choses, c'est pas des grandes choses, c'est des petites choses qui nous montrent que la vie chrétienne, c'est là dans nos vies, c'est sérieux. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Mais remarquez bien que je pourrais résumer la raison pour laquelle Timothée hésite. C'est il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas souffrir. Il va le répéter dans l'épître à quelques reprises. Souffre avec moi, Timothée. Là, la souffrance peut se manifester de différentes façons. Mais souffre avec moi, Timothée. Puis il va le dire un peu plus loin. Je te l'avais dit, Timothée, que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ vont souffrir. Je te l'avais dit. Je ne t'avais pas coûté de mentir au début. Maintenant, t'hésites devant la souffrance. Peux-tu le comprendre, toi? Je peux le comprendre parce qu'on hésite devant la souffrance. Que ce soit physique ou spirituel ou moral ou mental ou psychologique, on hésite devant la souffrance. On n'aime pas la souffrance, à moins qu'on soit maso, là. On n'aime pas la souffrance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver une porte de sortie, puis ça ne marche pas. Paul, il dit, va falloir que tu acceptes ça, de souffrir avec moi, pour l'Évangile. Puis ce qu'il dit, pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Ça, c'est vraiment encourageant de toujours se rappeler. Il y a en moi, dans mon être intérieur, il y a quelqu'un qui a la puissance de créer l'univers. On avait le Saint-Esprit. Il a créé l'univers, le gars qui est en dedans de moi, là. Il est là, il est disponible. Quand je me dis, comment je peux faire pour utiliser ça, puis à quoi je vais l'utiliser, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la puissance, par exemple. Elle est là. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec la puissance. Elle est là, la puissance, mais elle est disponible pour faire quelque chose de précis, là. On ne peut pas dire, ben là, viens me pousser, je suis dans le banc de neige. On va dire, non, ça appelle la remorque, tu sais, là. La puissance m'a été donnée pour une raison. Et puis, si je l'utilise pour ça, la puissance, elle va être là. Elle va pouvoir nous aider à accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Donc, on va terminer par la prière. Mon bon Père du ciel, merci. Merci que dans cette épître, tu vas, par la bouche de Paul, par l'état dans lequel Timothée est, tu vas nous parler à nous. C'est à nous que tu veux parler. Chacun de nous, personnellement, tu veux nous dire quelque chose? Donne-nous un cœur qui veut écouter. Donne-nous un cœur qui veut croire que la puissance est en nous, que l'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est tout ce que nous avons besoin pour vivre ce que tu veux que nous vivions en tant que tes enfants. Puisses-tu être glorifié par nous durant la semaine qui s'en vient. Amen. Amen. Gaëtan. Merci, François. J'aimerais qu'on puisse lire quelques versets dans Romains 8, à partir du verset 18. Le verset 18, ça dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérante. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit selon ce que Dieu qui l'intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Waouh! Quelle espérance nous avons! Et à mon avis, il n'y a pas d'espérance plus glorieuse qui se peut. Mais continuons à lire. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ est celui qui est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénouement ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Je dis voir encore. Quel amour! Et c'est un amour divin que nous possédons. Les jours viennent où nous allons faire partie de l'immense foule qui est décrite dans Apocalypse 7, qui sont revêtus de robes blanches, ont une palme à la main, et qui vont crier d'une voix forte, pas comme moi, waouh, ils vont crier d'une voix forte, le salut est à notre Dieu et à l'agneau qui est assis sur le trône. Qui fait en sorte, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut avoir cette espérance? Qu'est-ce qui nous convainc que nous allons un jour faire partie de cette grande foule? Qu'est-ce qui nous permet de contempler cet amour? Et aux trois questions, qu'est-ce qu'on peut répondre? C'est Jésus. Lui seul. Imaginez Dieu, le Créateur de toutes choses, l'être souverain. Il s'est fait homme à la personne de son fils Jésus pour sauver l'humanité qui, elle, l'a rejeté. C'est un amour divin. Et nous, on se prépare à prendre ce repas pour se rappeler ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit. Ce qu'il est. Prenons ce repos en pensant ça. Mais avant, prions. Seigneur, tu es grand. Et nous sommes tellement faibles, Seigneur. On a besoin de s'arrêter pour te prier. Seigneur, nous allons dans quelques instants partager le pain et la coupe. Et nous ne voulons pas, Seigneur, que ce soit juste comme un rituel. Que ce soit quelque chose qu'on le fait parce qu'on le fait de semaine en semaine. Mais Seigneur, on a besoin de toi pour que tu parles à nos cœurs pour qu'on puisse voir à quel point tu es amour, à quel point tu es grand. Merci Seigneur. Michel et Ghislaine, aimeriez-vous passer les éléments? sur le professeur un souvenir de Jésus. Selon nous, les dernières heures qu'il a passées sur cette terre, en se rappelant ça, Seigneur, que nos cœurs soient touchés. Laisse-nous pas indifférents à ça. La dernière nuit qu'il a passé avec ses disciples, il a pris le pain, le sépara, il le trancha, il le partagea aussi avec ses disciples, en disant, « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. » Mangeons. De même, il prit la coupe, la partagea également avec ses disciples en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Fais ceci en mémoire de moi. Buvons cette. » L'apôtre Paul l'a dit dans le texte que Gaétan a lu. Il n'y a rien dans ce monde, il n'y a rien dans le monde spirituel qui pourrait nous séparer de l'amour qu'il y a en Jésus-Christ. Rien, Seigneur. Ton sacrifice ne sera jamais vain, parce que ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Ceux que tu as justifiés, tu vas aussi les glorifier, afin que nous soyons comme Jésus-Christ, un sujet de gloire pour toi dans toute l'éternité. C'est dur à nous autres, c'est dur pour comprendre, Seigneur, que tu nous as voulu pour qu'on puisse chanter tes louanges. C'est pour ça que tu nous as voulu. Tu nous as voulu pour chanter tes louanges. Ici et dans l'autre côté, c'est le but unique. Il n'y a pas d'autre raison. Ô Seigneur, aide-nous dans la semaine qui s'en vient à d'être capables, dans toutes les occasions, d'être un sujet de gloire pour toi. Qu'on soit rempli de cet Esprit Saint de force, de sagesse, d'amour que tu as mis en nous, afin de pouvoir laisser au monde savoir que tu es venu ici-bas. Tu es venu ici-bas pour cela. Merci Seigneur Jésus-Christ que tu as pris la décision. Te faites le pas. Tu n'as pas juste dit « je vous aime », te faites le pas vers la terre. Tu es venu ici-bas avec l'intention de mourir. Et on ne peut pas douter de l'amour que tu as parce que tu as accompagné le geste à tes paroles. Peux-tu être béni éternellement? Amen. Seigneur, j'ajouterais ce que j'ai entendu tantôt, puis ça m'a, c'est une phrase que je vais garder toujours, c'est ce qu'on a appris par cœur, que ça descende dans notre cœur, que ce soit vivant, parce que c'est de toi, puis c'est toi qui l'as vu. Amen. Mm-hmm.